Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et après les diètes amaigrissantes qui ne font pas maigrir, on va s'intéresser à une autre forme de manipulation, celle des pseudosciences. Serge Larrivé est professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et depuis 40 ans, il mène des recherches, entre autres, sur les pseudosciences, comment elles s'insinuent dans notre société, comment elles ont prise sur nous. Donc, Monsieur Larrivé a écrit de nombreux articles scientifiques sur le sujet et cet automne, il a en quelque sorte fait un condensé de ses observations dans un livre qui s'intitule « Quand le paranormal manipule la science » et un livre qui est paru aux éditions Multimonde. Et M. Larrivé est avec nous au bout du fil pour nous en parler. Bonjour M. Larrivé. Bonjour. Alors j'aimerais savoir, dans un premier temps, j'aimerais en fait que vous nous donniez des exemples de pseudosciences. On parle de quoi? On parle de télépathie, d'astrologie? De télépathie, oui. D'astrologie, de clairvoyance, de fantômes, de maisons hantées, de pouvoir de guérison de l'esprit, des extraterrestres, la chiromancie, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, d'accord. Ouais. Mais alors, il y en a beaucoup, donc justement, comment on peut les caractériser? Est-ce qu'elles ont des points communs et comment on peut les caractériser par rapport aux sciences? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Alors, écoutez, une des caractéristiques des pseudosciences, c'est qu'elles utilisent souvent un langage scientifique, mais pas la méthode. Mm-hmm. Donc, elles affirment des choses au lieu de... Voyez-vous, en science, on doit tout faire pour démolir nos théories. Ah bon? Et si elles résistent, ouais, c'est qu'elles sont temporairement non fausses, ouais, la science étant biodégradable, d'une certaine façon. Alors que les pseudo-scientifiques, eux, cherchent constamment des anecdotes et des témoignages qui confirment ce qu'ils pensent. Mm-hmm. En science, 1000 témoignages, ça ne fait pas un fait. Mm-hmm. En science, on cherche à mettre en défaut, éventuellement, donc la théorie tient tant que personne n'a réussi à la mettre en défaut. C'est ça. Oui, alors que les pseudo-sciences, on s'appuie sur des anecdotes pour appuyer la pseudo-science. Ouais. D'accord. Alors qu'eux, ils affirment, ouais, au lieu de démontrer. D'accord. Ils affirment au lieu de démontrer, oui, c'est ouais, une subtile différence. Et dans les faits, donc, est-ce qu'il y a, beaucoup de monde qui croit aux fantômes ou à la télépathie? C'est assez surprenant, c'est très variable. Je dirais, mon Dieu, prenons un exemple typique là, de l'astrologie, là. Mm-hmm. Ben, c'est à peu près au moins 25% des gens en Amérique qui y croient, mm-hmm, très fermement. Puis un autre 20% qui disent « Ouais, j'y crois un peu. Ah » Donc, oui, ça fait quand même beaucoup de gens. Hein, oui, ça fait près de 40%. Et ouais, est-ce qu'on peut dire la même chose des fantômes? Parce que là, ça me paraît vraiment farfelu. Ah, les fantômes, ben, oui, même en Amérique, c'est encore plus élevé. C'est autour de 35% des Américains qui croient aux fantômes. Ouais. Alors que chez les Français, par contre, c'est à peine 17%. Ah oui, ben, il y a peut-être plus de films avec des fantômes aux États-Unis. Oui, il y a des écarts de culture en termes de croyances. Ouais. Oui. Ah oui, c'est intéressant ça qu'il y ait des écarts de culture. Mais il y a des écarts de culture et est-ce qu'il y a aussi des écarts selon le profil des gens, je ne sais pas, selon leur métier, selon leur niveau d'éducation? Alors, c'est vraiment très drôle. Hein. La profession qui croit le moins au paranormal, tenez-vous bien, mm-hmm, ce sont les cultivateurs. Ah tiens, ils sont très terre-à-terre, eux. Ils sont très, très terre-à-terre. Et de l'autre côté, assez bizarrement, il y a encore des universitaires qui croient à ça. Ah oui? Ouais, c'est ça, assez surprenant, oui. Autrement dit, la connaissance n'enlève pas nécessairement le goût de la croyance. Ouais, c'est quand même surprenant. On aurait pu penser que des universitaires auraient développé un esprit critique pour les mettre, entre guillemets, à l'abri de ses croyances, et ce n'est pas le cas. Oui. Écoutez, voyez-vous, pour fonctionner, le cerveau a besoin de sens. Mm-hmm. Et ce qui fait du sens très rapidement, ce sont les croyances, qu'elles soient religieuses ou autres. Donc, ce n'est pas surprenant que les humains aiment ce genre de croyances-là. Ça leur demande aucun effort. C'est amusant, c'est intéressant de croire à ça. Hein? Mm-hmm. À la limite, c'est nous, les sceptiques, qui sommes pas normaux, là. Oui, ouais. En cherchant à toujours vérifier. Oui. Puis effectivement, vous dites aussi, vous écrivez dans votre livre que finalement, le cerveau humain est un peu préparer pour être crédule, pour croire à ce que disent nos parents, par exemple, quand on est enfant. Oui, mais à ce moment-là, c'est même nécessaire. Oui. Mais en même temps, il faut, à un moment donné, avoir un esprit minimalement sceptique pour poser des questions, pour comprendre. Et d'ailleurs, les enfants le font très bien avec la croyance au Père Noël. Oui, c'est vrai. À un moment donné, ils finissent... Et les parents sont superbement bons aussi pour bien gérer ça. Oui, à un moment donné... Alors, ils respectent la façon dont l'enfant croit, ils respectent la façon dont l'enfant se met à douter. Et moi, ce qui m'amuse toujours dans ces cas-là, c'est comment ça se fait que les enfants qui attribuent les mêmes pouvoirs à Dieu et au Père Noël cessent de croire au Père Noël et continuent de croire en Dieu. Grande question. Oui, ben, c'est peut-être parce que dans la société, les adultes ne croient plus au Père Noël, mais que dans la société, les adultes continuent de croire en Dieu. Donc, il y a peut-être un élan culturel, oui, peut-être. Tout à fait. Et puis, vous, Monsieur Larrivé, vous parlez aussi dans votre livre d'une omniprésence de la pseudoscience dans la société, justement, donc à travers les films, les bibliothèques, les rayons de livres dans les bibliothèques, et incluant les bibliothèques universitaires, d'ailleurs. Oui, on en trouve même là. Écoutez, c'est un phénomène social important. On a fait une recherche à 10 ans d'intervalle. On a mesuré l'espace consacré aux sciences d'un côté et aux pseudo-sciences de l'autre côté. Mm-hmm. Et les résultats sont grosso modo les mêmes, c'est-à-dire autour de 85-90% pour les pseudo-sciences et à peine 10% pour les sciences. Donc, écoutez, si j'étais libraire... Mm-hmm. Je ferais la même chose. C'est plus rentable de vendre des livres de paranormal, de croissance personnelle, que des livres de science. Oui. Dommage, mais c'est comme ça. Mais du coup, est-ce que ça amplifie pas le phénomène parce que on se trouve exposé à beaucoup plus de livres de pseudo-sciences que de sciences? Tout à fait. Écoutez, c'est désolant de voir la quantité de livres de développement personnel, entre autres, tout à fait, qui n'ont aucun sens. Je voyais récemment une entreprise qui disait « Venez suivre une formation pour découvrir comment contacter les anges. » Ah oui? Oui. Mmh. L'autre qui disait « Découvrez votre cheval intérieur. Mmh. » Bon, pour les gens qui travaillent aux enquêtes gala, ben, je veux bien, mais pour le commun des mortels, c'est découvrir son cheval intérieur. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est intrigant. Oui, c'est très intriguant. Oui. Dans votre livre aussi, vous expliquez, vous abordez toute une série de procédés que les promoteurs de ces pseudosciences utilisent dans leur discours ou leur argument pour conquérir le public. Est-ce que vous en auriez un ou deux à nous donner qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, nous servir d'alerte? Il y en a un tout à l'heure que je vous ai dit, c'est que les gens utilisent le vocabulaire scientifique sans jamais utiliser la méthode. Ouais. Ils ont aussi, ils recourent souvent à Galilée. Vous nous persécutez parce que nous, nous sommes les nouveaux Galilées, et puis vous n'avez pas l'esprit ouvert. Et dans ce temps-là, je leur dis toujours, écoutez, est-ce qu'on peut faire la distinction entre un esprit ouvert et un esprit troué? Oui. Un esprit troué, l'idée arrive, elle passe dans le cerveau, ressort de l'autre côté, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de filtre. Ouais. Permet de poser des questions pour mieux comprendre. Mm-hmm. L'autre élément aussi qui est très intéressant, ces gens-là utilisent souvent une espèce de langage hermétique très bizarre qui leur donne l'impression que c'est très sérieux parce que c'est incompréhensible. Mm-hmm. Alors ça, c'est pas une très bonne idée non plus. Donc, c'est ça. Donc, et il y a aussi le fait que ils savent très bien que le doute, c'est important. Alors quand les scientifiques, on n'a pas de réponse à un problème, alors, ils utilisent notre doute pour dire, écoutez, nous, on a une solution. Et là, ils proposent leur approche. Donc, c'est un mauvais usage. C'est comme s'ils devenaient des pseudo-sceptiques. Voilà. Oui. Et quand vous dites qu'ils utilisent, qu'ils parlent de façon hermétique, c'est-à-dire qu'ils utilisent des termes scientifiques, mais sans le contenu scientifique? Exactement, qui ont l'air très, très sérieux. Ouais. Mais quand on gratte, ça ne dit rien. Voyez-vous, récemment, il y a des homéopathes qui prétendent que même s'il n'y a plus rien dans leurs petites granules, c'est que la physique quantique vient jouer là-dedans. Donc, si on comprend bien la physique quantique, on va comprendre pourquoi que c'est efficace même s'il n'y a rien. Mm-hmm. Alors, moi, intrigué par la chose, j'ai consulté un physicien de la physique quantique, puis j'ai demandé de voir qu'est-ce qu'il en était. Il était dans une colère folle. Ah oui. Dis, mais c'est de la niaiserie. Ils utilisent le vocabulaire, et ils ne comprennent strictement rien. Ouais, c'est juste une coquille finalement. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir. L'arrivée d'avoir éclairé nos lanternes sur ce phénomène des pseudosciences. Et je rappelle que vous êtes professeur à l'école de psychologie éducation. Non, à l'école de psycho-éducation de l'Université de Montréal et auteur de ce livre, Quand le paranormal manipule la science, paru cet automne chez Multimonde. Alors, merci beaucoup, monsieur l'arrivée. Bien, au revoir. Au revoir. On va passer maintenant sur CKRL en musique, sur CKRL au 89.1. Et au retour, nous serons avec Jean-Daniel Doucet pour une partie de hockey.